Jacques Normand. S'il n'était pas mort. S'il n'était pas mort est un petit jeu très simple, dérivé de celui dit des petits papiers. On choisit dans sa mémoire, ou tout simplement dans un dictionnaire, un nom de personnage célèbre et défunt. Chaque personne écrit le nom sur une feuille de papier, et au-dessus la date de naissance et celle de la mort. Pour se limiter, on décide qu'on admettra seulement les personnages qui, s'ils vivaient encore, auraient à l'heure actuelle moins de 100 ans, mettons même 110 ans. Sous le nom, chaque personne doit approximativement répondre par écrit, en quelques lignes aussi ingénieuses que possible, aux 3 questions suivantes. Quel âge aurait-il ou aurait-elle maintenant? Comment vous le ou la figurez-vous physiquement et mentalement? Que peut-on vraisemblablement supposer qu'il ou qu'elle aurait fait ce soir ou aujourd'hui dans la journée? Je me permets de donner plus loin, comme exemple, quelques réponses récemment formulées.